12.32. Observation. Prendre, apprendre, comprendre. Présent de l'indicatif. Prendre, je prends. Apprendre, j'apprends. Comprendre, je comprends. Tu prends. Tu apprends. Tu comprends. Il prend. Il apprend. Il comprend. Nous prenons. Nous apprenons. Nous comprenons. Vous prenez, vous apprenez, vous comprenez. Ils prennent, ils apprennent, ils comprennent. Notez que du point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier sont identiques. Il y a dans les trois personnes du pluriel une consonne « ne » qui est absente des trois personnes du singulier.